Ouais, Master Poison, bien ou quoi? Ouais, bien ou quoi, Louis? Ouais, tranquille, hein. Et au fait, Master, je voulais te parler d'un truc sérieux, t'as vu? T'as vu le mec la dernière fois, là, pour les histoires de CD, là? Il nous a toujours pas ramené la main, Master. Ah, faut faire quelque chose. Ouais, mais lui, non, mais je te parle sérieusement, faut faire quelque chose. Poison, on dirait que tu veux laisser traîner ça. Non, mais je l'appelle à chaque fois, il fait le malin, tu vois, j'arrive pas. Master, en parlant des gens, regarde, y'a qui là-bas? Ah, sale bolo, c'est lui en plus! Mais c'est le mec de la dernière fois! Ah, sale bolo! Attrape-le! Attrape-le, Poison! Attrape-le! Attrape-le! Vas-y, venons, s'arrache, on s'arrache.